Chapitre 5e. Notre héros ne s'était point trompé lorsqu'il avait craint de compter trop vite sur l'indolence de la marquise. Il était encore, le lendemain, entre la veille et le sommeil, lorsqu'on lui apportait un billet à peu près conçu ainsi. « Monsieur, je ne sais qui vous a donné le droit de m'écrire dans de pareils termes. Si ce n'est pas une méprise, c'est une gageure ou une impertinence. Dans tous les cas, je vous renvoie votre lettre, qui ne peut pas m'être adressée. » Encore tout plein d'un souvenir plus vif, Valentin se souvenait à peine de sa déclaration envoyée à Madame de Parne. Il relut deux ou trois fois le billet avant d'en comprendre clairement le sens. Il en fut d'abord assez honteux et cherchait vainement quelle réponse il pouvait y faire. En se levant et se frottant les yeux, ses idées devinrent plus nettes. Il lui sembla que ce langage n'était pas celui d'une femme offensée. Ce n'était pas ainsi que s'était exprimée Madame Delaunay. Il relut la lettre qu'on lui renvoyait. Il n'y trouva rien qui méritât tant de colère. Cette lettre était passionnée, folle peut-être, mais sincère et respectueuse. Il jeta le billet sur sa table et se promit de n'y plus penser. De pareilles promesses ne se tiennent guère. Il y aurait peut-être plus pensé, en effet, si le billet, au lieu d'être sévère, eût été tendre ou seulement poli, car la soirée de la veille avait laissé dans l'âme du jeune homme une trace profonde. Mais la colère est contagieuse. Valentin commença par essuyer son rasoir sur le billet de la marquise, puis il le déchira et le jeta à terre. Puis il brûla sa déclaration. Puis il s'habilla et se promena à grands pas par la chambre. Puis il demanda à déjeuner et ne put boire ni manger. Puis enfin, il prit son chapeau et s'enfuit chez Madame de Parne. On lui dit qu'elle était sortie. Voulant savoir si c'était vrai, il répondit « C'est bon, je le sais ». Il traversa lestement la cour. Le portier courait après lui lorsqu'il rencontra la femme de chambre. Il aborda celle-ci, la prit à l'écart, et sans autre préambule, lui mit un louis dans la main. Madame de Parne était chez elle. Il fut convenu avec la servante que personne n'aurait vu Valentin et qu'on l'aurait laissé passer par mégarde. Il entra là-dessus, traversa le salon et trouva la marquise seule dans sa chambre à coucher. Elle lui parut, s'il faut tout dire, beaucoup moins en colère que son billet. Elle lui fit pourtant, vous vous y attendez, des reproches de sa conduite et lui demanda fort sèchement par quel hasard il entrait ainsi. Il répondit d'un air naturel qu'il n'avait point rencontré de domestique pour se faire annoncer et qu'il venait offrir en toute humilité les très humbles excuses de sa conduite. « Et quelles excuses en pouvez-vous donner ?» demanda Madame de Parne. Le mot de méprise qui se trouvait dans le billet revint par hasard à la mémoire de Valentin. Il lui sembla plaisant de prendre ce prétexte et de dire ainsi la vérité. Il répondit donc que la lettre insolente dont se plaignait la marquise n'avait pas été écrite pour elle et qu'elle lui avait été apportée par erreur. Persuader une pareille affaire n'était pas facile, comme bien vous pensez. Comment peut-on écrire un nom et une adresse par méprise? Je ne me charge pas de vous expliquer par quelle raison Madame de Parne crut ou feignit de croire à ce que Valentin lui disait. Il raconta, du reste, plus sincèrement qu'elle ne le pensait, qu'il était amoureux d'une jeune veuve, que cette veuve, par le hasard le plus singulier, ressemblait beaucoup à Madame la Marquise, qu'il la voyait souvent, qu'il l'avait vue la veille. Il dit en un mot tout ce qu'il pouvait dire, en retranchant le nom et quelques petits détails que vous devinerez. Il n'est pas sans exemple qu'un amoureux novice se serve de fables de ce genre pour déguiser sa passion. Dire à une femme qu'on en aime une autre, qui lui est semblable en tout point, c'est à la rigueur un moyen romanesque qui peut donner le droit de parler d'amour. Mais il faut, je crois, pour cela, que la personne auprès de laquelle on emploie de pareils stratagèmes y mette un peu de bonne volonté. Fût-ce ainsi que la marquise l'entendit, je l'ignore. La vanité blessée plutôt que l'amour avait amené Valentin. Plutôt que l'amour, la vanité flattée apaisa Madame de Parne. Elle en vint même à faire au jeune homme quelques questions sur sa veuve. Elle s'étonnait de la ressemblance dont il lui parlait. Elle serait, disait-elle, curieuse d'en juger par ses yeux. « Quel est son âge ? » demandait-elle. « Est-elle plus petite ou plus grande que moi ? A-t-elle de l'esprit ? Où va-t-elle ? Est-ce que je ne la connais pas ?» À toutes ces demandes, Valentin répondait, autant que possible, la vérité. Cette sincérité de sa part avait à chaque mot l'air d'une flatterie détournée. « Elle n'est ni plus grande ni plus petite que vous, » disait-il. « Elle a comme vous cette taille charmante, comme vous ce pied incomparable, comme vous, ses beaux yeux pleins de feu. La conversation sur ce ton ne déplaisait pas à la marquise. Tout en écoutant d'un air détaché, elle se mirait du coin de l'œil. À dire vrai, ce petit manège choquait horriblement Valentin. Il ne pouvait comprendre cette demi-vertu, ni cette demi-hypocrisie d'une femme qui se fâchait d'une parole franche et qui s'en laissait compter à travers une gaze. En voyant les œillades que la marquise se renvoyait à elle-même dans la glace, il se sentait l'envie de lui tout dire, le nom, la rue, le baiser du bal, et de prendre ainsi sa revanche complète sur le billet qu'il avait reçu. Une question de Madame de Parne soulagea la mauvaise humeur du jeune homme. Elle lui demanda d'un air railleur s'il ne pouvait du moins lui dire le nom de baptême de sa veuve. « Elle s'appelle Julie, » répliqua-t-il sur le champ. Il y avait dans cette réponse si peu d'hésitation et tant de netteté que Madame de Parne en fut frappée. « C'est un assez joli nom, » dit-elle, et la conversation tomba tout à coup. Il arriva alors une chose peu difficile à expliquer et peut-être aisée à comprendre. Dès que la marquise crut sérieusement que cette déclaration qui l'avait choquée n'était réellement pas pour elle, elle en parut surprise et presque blessée. Soit que la légèreté de Valentin lui semblât trop forte, s'il en aimait une autre, soit qu'elle regretta d'avoir montré de la colère mal à propos, elle devint rêveuse et, ce qui est étrange, en même temps irritée et coquette. Elle voulut revenir sur son pardon, et tout en cherchant querelle à Valentin, elle s'assit à sa toilette. Elle dénoua le ruban qui entourait son cou, puis le rattacha. Elle prit un peigne, sa coiffure semblait lui déplaire. Elle refaisait une boucle d'un côté, en retranchait une de l'autre. Comme elle arrangeait son chignon, le peigne lui glissa des mains et sa longue chevelure noire lui couvrit les épaules. « Voulez-vous que je sonne ?» demanda Valentin. « Avez-vous besoin de votre femme de chambre ?»« Ce n'est pas la peine, » répondit la marquise, qui releva d'une main impatiente ses cheveux déroulés et enfonça son peigne. « Je ne sais ce que font mes domestiques. Il faut qu'ils soient tous sortis, car j'avais défendu ce matin qu'on laissât entrer personne. » « En ce cas, » dit Valentin, « j'ai commis une indiscrétion, je me retire. » Il fit quelques pas vers la porte et allait sortir en effet, quand la marquise, qui tournait le dos et apparemment n'avait pas entendu sa réponse, lui dit « Donnez-moi une boîte qui est sur la cheminée. » Il obéit, elle prit des épingles dans la boîte et rajusta sa coiffure. « À propos, » dit-elle, « et ce portrait que vous aviez fait ?»« Je ne sais où il est, » répondit Valentin, « mais je le retrouverai. » Et si vous le permettez, je vous le donnerai lorsque je l'aurai retouché. » Un domestique vint, apportant une lettre à laquelle il fallait une réponse. La marquise se mit à écrire. Valentin se leva et entra dans le jardin. En passant près du pavillon, il vit que la porte en était ouverte. La femme de chambre qu'il avait rencontrée en arrivant y essuyait les meubles. Il entra, curieux d'examiner de près ce mystérieux boudoir qu'on disait délaissé. En le voyant, la servante se mit à rire, avec cet air de protection que prend tout laquais après une confidence. C'était une fille jeune et assez jolie. Il s'approcha d'elle délibérément et se jeta sur un fauteuil. « Est-ce que votre maîtresse ne vient pas quelquefois ici ? » demanda-t-il d'un air distrait. La soubrette semblait hésiter à répondre. Elle continuait à ranger. En passant devant la chaise longue de forme moderne, dont je vous ai, je crois, parlé, elle dit à demi-voix « Voilà le fauteuil de madame. » « Et pourquoi, reprit Valentin, madame dit-elle qu'elle ne vient jamais ?»« Monsieur, répondit la servante, c'est que l'ancien marquis, ne vous déplaise, a fait des siennes dans ce pavillon. Il est mauvais renom dans le quartier. Quand on y entend du tapage, on dit « c'est le pavillon de Parne ». Et voilà pourquoi madame s'en défend. « Et qui vient faire, madame ?» demanda encore Valentin. Pour toute réponse, la soubrette haussa légèrement les épaules, comme pour dire « pas grand mal ». Valentin regarda par la fenêtre si la marquise écrivait encore. Il avait mis, tout en causant, la main dans la poche de son gilet. Le hasard voulut que dans ce moment, il fût dans la veine dorée. Un caprice de curiosité lui passa par la tête. Il tira un double louis neuf qui reluisait merveilleusement au soleil et dit à la soubrette « Cachez-moi ici ». D'après ce qui s'était passé, la soubrette croyait que Valentin n'était pas mal vu de sa maîtresse. Pour entrer d'autorité chez une femme, il fallait une certaine assurance d'en être bien reçu. Et quand, après avoir forcé sa porte, on passe une demi-heure dans sa chambre, les domestiques savent qu'en penser. Cependant, la proposition était hardie. Se cacher pour surprendre les gens, c'est une idée d'amoureux et non une idée d'amant. Le double Louis, quelque beau qu'il fût, ne pouvait lutter avec la crainte d'être chassé. Mais après tout, pensa la servante, quand on est aussi amoureux, on est bien près de devenir amant. Qui sait, au lieu d'être chassé, je serai peut-être remercié. Elle prit donc le double louis en soupirant et montra en riant à Valentin un vaste placard où il se jeta. Où êtes-vous donc ? Demanda la marquise qui venait de descendre dans le jardin. La servante répondit que Valentin était sorti par le petit salon. Madame de Parne regarda de côté et d'autre, comme pour s'assurer qu'il était parti. Puis elle entra dans le pavillon, y jeta un coup d'œil et s'enfuit après avoir fermé la porte à clé. Vous trouverez peut-être, madame, que je vous fais un conte invraisemblable. Je connais des gens d'esprit, dans ce siècle de prose, qui soutiendraient très gravement que de pareilles choses ne sont pas possibles, et que depuis la Révolution, on ne se cache plus dans un pavillon. Il n'y a qu'une réponse à faire à ces incrédules, c'est qu'ils ont sans doute oublié le temps où ils étaient amoureux. Dès que Valentin se trouva seul, il vint l'idée très naturelle qu'il allait peut-être passer là une journée. Quand sa curiosité fut satisfaite, et après qu'il eut examiné à loisir le lustre, les rideaux et les consoles, il se trouva avec un grand appétit vis-à-vis d'un sucrier et d'une carafe. Je vous ai dit que le billet du matin l'avait empêché de déjeuner, mais il n'avait en ce moment aucun motif pour ne pas dîner. Il avala deux ou trois morceaux de sucre et se souvint d'un vieux paysan à qui on demandait s'il aimait les femmes. « J'aime assez une belle fille, » répondit le brave homme, « mais j'aime mieux une bonne côtelette. » Valentin pensait au festin, dont, au dire de la soubrette, ce pavillon avait été témoin. Et à la vue d'une belle table ronde qui occupait le milieu de la chambre, il aurait volontiers évoqué le spectre des petits soupers du défunt marquis. On serait bien ici, se disait-il, par une soirée ou par une nuit d'été, les fenêtres ouvertes, les persiennes fermées, les bougies allumées, la table servie. Quel heureux temps que celui où nos ancêtres n'avaient qu'à frapper du pied sur le parquet pour faire sortir de terre un bon repas. Et en parlant ainsi, Valentin frappait du pied, mais rien ne lui répondait que l'écho de la voûte et le gémissement d'une harpe détendue. Le bruit d'une clé dans la serrure le fit retourner précipitamment à son placard. Était-ce la marquise ou la femme de chambre? Celle-ci pouvait le délivrer, ou du moins lui donner un morceau de pain. M'accuserez-vous encore d'être romanesque, si je vous dis qu'en ce moment il ne savait laquelle des deux il eût souhaité de voir rentrer? Ce fut la marquise qui parut. Que venait-elle faire? La curiosité fut si forte que toute autre idée s'évanouit. Madame de Parne sortait de table. Elle fit précisément ce que Valentin rêvait tout à l'heure. Elle ouvrit les fenêtres, ferma les persiennes et alluma deux bougies. Le jour commençait à tomber. Elle posa sur la table un livre qu'elle tenait, fit quelques pas en fredonnant et s'assit sur un canapé. « Que vient-elle faire ? » se répétait Valentin. Malgré l'opinion de la servante, il ne pouvait se défendre d'espérer qu'il allait découvrir quelque mystère. « Qui sait ? » pensait-il, « elle attend peut-être quelqu'un ? » « Je me trouverais jouer un beau rôle s'il allait arriver un tiers. » La marquise ouvrait son livre au hasard, puis le fermait, puis il semblait réfléchir. Le jeune homme crut s'apercevoir qu'elle regardait du côté du placard. À travers la porte entrebâillée, il suivait tous ses mouvements. Une étrange idée lui vint tout à coup. La femme de chambre avait-elle parlé? La marquise savait-elle qu'il était là? Voilà, direz-vous, une idée bien folle et surtout bien peu vraisemblable. Comment supposer qu'après son billet, la marquise, instruite de la présence du jeune homme, ne l'eût pas fait mettre à la porte, ou tout au moins ne l'eût pas mis elle-même. « Je commence, madame, par vous assurer que je suis du même avis que vous, mais je dois ajouter, pour l'acquis de ma conscience, que je ne me charge, sous aucun prétexte, d'éclaircir des idées de ce genre. Il y a des gens qui supposent toujours, et d'autres qui ne supposent jamais. Le devoir d'un historien est de raconter et de laisser penser ceux qui s'en amusent. Tout ce que je puis dire, c'est qu'il est évident que la déclaration de Valentin avait déplu à Madame de Parne, qu'il est probable qu'elle n'y songeait plus, que selon toute apparence, elle le croyait parti, qu'il est plus probable encore qu'elle avait bien dîné et qu'elle venait faire la sieste dans son pavillon. Mais il est certain qu'elle commença par mettre un de ses pieds sur son canapé, puis l'autre, puis qu'elle posa la tête sur un coussin, puis qu'elle ferma doucement les yeux. Et il me paraît difficile, après cela, de ne pas croire qu'elle s'endormit. Valentin eut envie, comme dit Valmont, d'essayer de passer pour un songe. Il poussa la porte du placard. Un claquement le fit frémir. La marquise avait ouvert les yeux. Elle souleva la tête et regarda autour d'elle. Valentin ne bougeait pas, comme vous pouvez croire. N'entendant plus rien et n'ayant rien vu, Madame de Parne se rendormit. Le jeune homme avança sous la pointe du pied et, le cœur palpitant, respirant à peine, il parvint, comme Robert le Diable, jusqu'à Isabelle assoupie. Ce n'est pas en pareilles circonstances qu'on réfléchit, ordinairement. Jamais Madame de Parne n'avait été si belle. Ses lèvres entr'ouvertes semblaient plus vermeilles. Un plus vif incarnat colorait ses joues. Sa respiration, égale et paisible, soulevait doucement son sein d'albâtre, couvert d'une blonde légère. L'ange de la nuit ne sortit pas plus beau d'un bloc de marbre de Carrare, sous le ciseau de Michel-Ange. Certes, même en s'offensant, une telle femme surprise ainsi doit pardonner le désir qu'elle inspire. Un léger mouvement de la marquise arrêta cependant Valentin. Dormait-elle? Cet étrange doute le troublait malgré lui. Et qu'importe, se dit-il, est-ce donc un piège? Quel travers et quelle folie! Pourquoi l'amour perdait-il de son prix en s'apercevant qu'il est partagé? Quoi de plus permis, de plus vrai, qu'un demi-mensonge qui se laisse deviner? Quoi de plus beau qu'elle si elle dort? Quoi de plus charmant si elle ne dort pas? Tout en se parlant ainsi, il restait immobile et ne pouvait s'empêcher de chercher un moyen de savoir la vérité. Dominé par cette pensée, il prit un petit morceau de sucre qui restait encore de son repas et, se cachant derrière la marquise, il le lui jeta sur la main. Elle ne remua pas. Il poussa une chaise, doucement d'abord, puis un peu plus fort. Point de réponse. Il étendit le bras et fit tomber à terre le livre que Madame de Parne avait posé sur la table. Il la crut éveillée cette fois et se blottit derrière le canapé. Mais rien ne bougeait. Il se leva alors, et comme la persienne entr'ouverte exposait la marquise au serein, il la ferma avec précaution. Vous comprenez, madame, que je n'étais pas dans le pavillon et du moment que la persienne fut fermée, il m'a été impossible d'en voir davantage.